Nous vous avons remis ce bout de papier depuis dimanche. Est-ce que chacun a ça sur lui? Vous avez ça ou vous avez laissé ça à la maison? Vous avez reçu ça ou vous ne l'avez pas reçu? Qui n'a pas reçu ça? Wangapi hawakuipokea? Média, protocole. On a produit 5000. Est-ce que tout a été... Il y en a qui ont pris deux. Kuna waliochukua mbili. Le fardeau, mon fardeau en ce mois du tournant décisif. Mzigo wangu kwa hii mwezi wa tournant décisif. Juste vous le rappeler pour dire. Ningependa tu niwakumbushe ile niseme. Dans vos moments personnels. Ndani ya wakati wenu wa maombi ya kipekee. Utilisez ça. Mwende mkaitumie. Nous avons cette requête là dedans. Tuna mahitaji saba hapo. Qui est pour cela? C'est mon fardeau, le fardeau de chacun de nous, mzigo wa kila pour le tournant décisif, kwa ajili ya kipindi hiki. Obtenir plus de faveurs devant Dieu. Kupata tena kibali zaidi mbele ya Mungu. Vous voyez ça? Mnaona hii? Est-ce que quelqu'un a besoin de plus de faveurs devant Dieu? Kuna mtu ambaye anahitaji kibali zaidi mbele ya Mungu? Tu as toujours une certaine faveur. Unakuwa na kibali moja. Mais avant la fin de ce mois, lakini mbele ya mwisho wa mwezi huu, je prie que Dieu te donne plus de faveurs. Naomba Mungu akupatie zaidi ya kibali ulichokuwa nacho. Devenir meilleur devant le Seigneur. Kuwa bora mbele za Bwana. Tu as toujours été quelqu'un de bien. Umesha kuwa mtu wa mzuri. Tu crains Dieu dans une certaine mesure. Unamwogopa Mungu ndani ya kipimo fulani. Mais dans ce tournant décisif. Lakini ndani ya kipindi hiki. Tu veux dire Seigneur. Unaweza kusema Bwana. Façonne-moi. Uendo kanitengeneze. Afin que je devienne davantage meilleur devant toi. Ili nikuwe bora zaidi mbele zako. Et troisièmement. Na ya tatu. Il y a des requêtes qui ne sont pas encore exaucées. Kuna miujiza ambayo kuna mahitaji ambayo hayajajibiwa. Tu veux dire Seigneur? Unaweza kusema Bwana? La requête que je t'ai présentée en 2014. Mahitaji niliyokuonyesha mwaka 2014. La requête que je t'ai présentée en 2010. Mahitaji niliyokupatia mwaka 2010. La requête de l'église que nous t'avons présentée il y a 2 ans. Hitaji la kanisa tuliyokupatia imepita miaka 2 Bwana. Dans ce tournant décisif. Ndani ya kipindi hiki. Accorde la solution. Wendo kalete jibu. Vous avez compris? Je mumeelewa? Ok, vous avez ça au tableau. Plus de libération des captifs. Kufunguliwa sana ya il y a wafungwa. Beaucoup de captifs du péché. Kuna wafungwa wengi wa zambi. Il se peut que ce toi. Inawezekana ni wewe. Seigneur, je suis encore captif du péché. Bwana ningali mtumwa wa zambi. Donne-moi plus de libération. Unipatie uhuru. Captif de la maladie. Kuna wafungwa wa magonjwa. Blocages. Kuna wafungwa wa misère. Kuna wafungwa wa mateso. Na kuna tu sais de quoi tu es captif. Unajua wewe ni mfungwa nini. De ce mois, mbele ya mwisho wa mwezi huu. Essaye d'obtenir de sortir d'une certaine captivité. Ujikaza uende ukatoke ndani ya utumwa fulani. Et puis cinquièmement. Na ya tano. Des ministères florissants. Huduma ambazo zinaendelea. Écoutez. Msikilize. Ne termine pas ce mois ici. Usimalize mwezi huu. Avant de connaître ton nom. Mbele ya kujua jina lako. Parce que ton ministère est là dedans. Sababu huduma yako iko mo ndani. Alléluia. Amina. On va un peu revenir sur ça tout à l'heure. Tutarudilia hiyo hapa. Des ministères fructueux. Kukua na huduma ambazo zinatoa matunda. Des ministères qui amènent beaucoup d'âmes au Seigneur. Huduma zinazowaleta nafsi wengi kwa Bwana. Et puis on fait la visitation divine. Na mwisho kutembelewa na Mungu. De notre nation. Kwa taifa letu. Alléluia. Amina. Qui n'ont pas reçu le feuillet, on est en train de le distribuer, il faut lever la main. Wako il y en a là au naweza kunyosha mkono kama huna nayo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Laisse-moi prendre le troisième facteur. Acha nikamate jambo la tatu. Qui accompagne l'homme ou la femme qui rencontre son nom divin. Ambayo inamsindikiza mtu ambaye anakutana na jina lake la kimungu. Quel était le premier facteur? Jambo la kwanza ilikuwa nini? Quel était le premier facteur? Jambo la kwanza ilikuwa nini? Le premier facteur c'est quoi? La perception de ma lourde responsabilité. Mtazamo wa jukumu yangu nzito. Et le deuxième facteur? Na jambo la pili. Eh? C'était quoi? L'intégration à l'école de Dieu. Kuingia kwa shule la Mungu. Et ce soir, rapidement, na mangaribi ya leo, je mio voudrais mio. Terminer avec ça. Ningependa nimalizie na hii. Nous fait grâce. Bwana kitufanyizia neema. Le troisième facteur Jambo la tatu, c'est la focalisation à notre rôle. Ni kujielekeza kwa kazi yetu. La focalisation kujielekeza ama kujikazia sur notre rôle. Kwa kazi yetu. Autrement dit, kwa maneno mengine, la focalisation kujikaza ama kujielekeza sur la quintessence de notre nom, sur le contenu de notre nom. Kwa uzito ama ile inayokuwa ndani ya jina letu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Vous savez, mon frère, ma sœur, unajua dada yangu na kaka yangu, dès lors que tu attrapes ton nom, wakati unashika jina lako, et que tu as compris que c'est grave, na umeelewa ya kwamba ni hatari, et que tu constates que Dieu est en train déjà de te mettre dans son école, na unakundua ya kwamba Mungu iko na kuweka ndani ya masomo yake, il y a une interpellation, kuna uito ambao inakuja, de ta conscience, ya zamiri zako, de te focaliser, ili ujielekeze, sur le contenu de ton nom. Kwa inayokuwa ndani ya jina lako. Avant de rencontrer ton nom, mbele ya kukutana na jina lako, tu naviguais vaille que vaille. Ulikuwa kitembea kiolela. Et tu as beaucoup perdu beaucoup d'années. Na umepoteza miaka nyingi. Sans savoir où tu allais. Bila kujua uliendea wapi. Mais maintenant, lakini sasa, que tu connais ton nom, unapojua jina lako, ne perds plus le temps. Usipoteze tena wakati. Sois diligent pour entrer dans ton nom et te focaliser sur la mission qui est contenue dans ton nom, sur ton rôle dans cette vie, ton rôle dans cette génération. Focalise-toi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous lirons deux textes. Tutasoma andiko mbili. Où vous pouvez les lire à la maison. Ama mnaweza kuisoma nyumbani. 1 Roi chapitre 19 verset 19. Wafalme wa kwanza 21 et puis Philippiens 3 7 à 17. Kisha wa Filipi 3 7 hadi 17. 1 Roi 19 19. Wafalme wa kwanza 24 19 19 hadi 24. Lisez avec moi ce qui suit. Musome pamoja nami. Vous avez vu ça? Meiona. On y va. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va. » Qu'est-ce qu'il dit la suite? Qu'est-ce qu'il dit? Va. Wende. Reviens. Et fais quoi? Na ufanye nini? Pense à ce que je t'ai fait. Na uwaze ufikiri juu ya nilio. Je vous ai parlé de cette chose il y a quelques jours. Niliwazungumzia jambo hili. Lorsque tu découvres ton nom, unapogundua jina lako, pense à ce nom. Fikiria jina hilo. Médite sur ce nom. Tafakaria jina hilo. Beaucoup de gens, je l'ai dit hier, watu wengi nilisema n'arrivent pas à pénétrer dans leur nom hawaingii ndani ya jina parce qu'ils n'ont pas pris le temps de méditer sur cela. Sababu hana wakati ya kutafakari. Et c'est devenu comme banal. Na imekuwa kama kiolela. C'est devenu comme quelque chose d'ordinaire et de normal. Imegeuka kama kitu ya kawaida. Et ça ne tardera pas. Na haitakawia. Ton nom jina lako ne signifiera plus rien pour toi. Haitakuwa na maana juu yako. Et ça c'est grave. Na hii ni hatari. Parce que quelquefois, sababu kila mara, lorsque Dieu envoie sa parole, wakati Mungu analituma neno lake, il ne revient pas deux fois. Harudi mara pili. Nous avons prié hier pour la miséricorde de Dieu. Jana tuliomba juu ya rehema ya Bwana. Celui qui a oublié son nom. Juu ya ule mtu ambaye alisahau jina lake. Le jour Dieu lui a parlé, siku ambayo Mungu alimzungumzia, il a négligé, akazarau, il a laissé passer, na akaacha hiyo ikapita. Et le sort, na matokeo, c'est que quand tu vas le rechercher, utakapoenda tena kuitafutisha, tu risques de mettre beaucoup de temps. Unaweza kuitafuta muda mwingi. La Bible déclare Biblia nasema, à celui qui est pervers, kwa ule ambaye, Dieu se montre mjinga, avisé. Mungu anaonekana yeye si Dieu makini, te trouve tout le temps pervers, kama Mungu anakuona kama mjanja, tout le temps superficiel, kila maro nakuwa tu kizarau tout le temps négligent, kila maro nakuwa ukizarau, il va constater atagundua, et il va prononcer cette phrase. Na atasema neno hili, j'ai aimé Jacob, nilimpenda Yakobo, j'ai haï Esau, na nikamchukia Esau. Esaïe, qu'est-ce que tu as fait contre Dieu? Esaïe, ulifanya nini, ulimfanyia Mungu nini? J'ai été superficiel. Nilikuwa sifikie viwango fulani. J'ai été négligent. Nilizarao. Je n'ai pas réfléchi sur les choses importantes de ma vie. Sikufikiria mambo ya maana ndani ya maisha yangu. J'ai négligé le droit d'aînesse. Nilizarao haki ya ukubwa. Et Dieu dit, na Mungu anasema, j'ai haï Esaü. Nilimchukia Esau. Dieu hait. Mungu anamchukia. Les gens. Wale watu. Qui ne sont pas focalisés. Ambao hawana mwelekeo. Élie dit à Élisée. Elia anamwambia Elisha. Pense à ce que je t'ai fait. Fikirie ile ambayo nimekufanyizia. Médite sur cela. Utafakari juu ya hiyo. Si tu ne médites pas sur cela, kama utafakarie, ça va te passer au-dessus de la tête. Itapita kichwani kwako. Mais qu'est-ce que c'est que je viens de te faire? Lakini nini niliyokufanyia? J'ai jeté mon manteau sur toi. Nimekutupia koti yangu. Pour dire quoi? Ili niseme nini? Tu deviens, wewe unakuwa, le prophète d'Israël. Nabii wa Israeli. Prophète national. Unakuwa nabii wa taifa nzima. Pour dire, ni kusema, tu deviens mon héritier. Unakuwa mrithi wangu. Du ministère. Mrithi wa huduma yangu. Porte mon manteau. Vika hii koti yangu. Tu deviendras, utakuwa, mon héritier. Mrithi wangu. Mais médite sur ça. Lakini utafakarie hiyo. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Et ce jeune homme, c'est un jeune homme. Nauni kijana. J'aimerais vous montrer quelque chose. Ningependa nionyeshe kitu kimoja. C'est un fermier. Ilikuwa ni mtu aliyekuwa akichunga mangombe. Il n'est pas pauvre. Ambaye alikuwa si maskini. Il a 12 paires de bœufs. Alikuwa na wangombe wawili kumi na mbili. Pourrait signifier aujourd'hui il a 12 tracteurs. Hii ingepaswa manisha anakuwa na gari 12 za kulima. Ah, gari za kulima. Ah. Eh, hey, apetit. Je vous ai dit ce petit là, il est bon quoi. Il faut prier pour lui, que Dieu le garde. Amen. Il sera professeur d'université. Amen. Alléluia. Amina. Il a 12 paires de bœufs. Anakuwa na ngombe wawili wawili 12. Regardez. Mwone. Ça veut dire qu'il doit ranger ses 12 paires de bœufs pour cultiver. Dans une heure, ils vont cultiver quelques hectares. Et donc, ce n'est pas un cultivateur du ventre. C'est un homme d'affaires. Ça veut dire ses récoltes. Ni kusema mavuno yake. Ne se compte pas à mirongo. Hazihesabiwe tu kwa mrongo. Ça se compte en tonnes. Zinahesabiwa kwa matoni. Ça veut dire ses billets de banque quand il a vendu ses récoltes. Ni kusema pesa anazozipata anapouzisha mavuno yake. Ne se compte pas dans une minute. Hazihesabiwa kwa dakika moja. Et Élie vient lui jeter son manteau. Na Elia anakuya anamtupia koti lake. Mais ce jeune homme, lakini huyu kijana, est attentif. Ni mwangalifu. Je vous ai dit. Niliwaambia. Quiconque mène une vie attentive. Kila mtu anaishi maisha ya uangalifu. Saura. Atajua. Quand Dieu l'a visité. Wakati Mungu alimtembelea. Un boss comme Élisée. Bossi kama Elisha. Dans ses affaires. Ndani ya kazi zake. Un monsieur, un vieux. Na mzee mmoja. Du village. Ambaye anatokea kijijini. Vient lui jeter son manteau. Anakuja na anamtupia koti lake. Un boss. Bossi. Qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? C'est quoi ça là? Hii ni nini? Tia buchafu hivi ya bazee hapa. Haina mambo. Ya des poux là dedans. Hakuna chawa humo ndani. Non. Hapana. Élisée, il est attentif na Elisa anakuwa mwangalifu à tout ce qui se passe dans kwa yote inayopitikana. Je vous ai dit, Dieu parcourt la terre na wambia ya kwamba Mungu anaangalia ulimwengu à la recherche des gens qui sont attentifs akitafuta watu ambao ni wangalifu afin de les soutenir ili awasaidie. Quand vous regardez la vie de David, wakati unapomwona maisha yake, vous allez constater utagundua ya que c'était un jeune homme attentif ya kwamba alikuwa ni kijana ambaye alikuwa mwangalifu obéissant ambaye alikuwa mtiifu et focalisé. Quand on lui disait va garder les brebis, il allait garder les brebis, il n'allait pas jouer au bal. Ça n'a pas traîné. Dieu l'a repéré. Les radars divins sont à la recherche des hommes et des femmes, des adultes et des jeunes, même des enfants, les enfants qui me suivaient là-bas, même les enfants qui sont attentifs. Dieu est à leur recherche. Il est écrit, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Devenir roi à 8 ans. Unaweza kuwa mfalme kwa miaka 8. Qu'est-ce qui t'arrive? Mungu, ni nini nimekufikia? Un enfant de 8 ans. Mtoto wa miaka 8. Roi? Ambaye anakuwa mfalme. Atafanya nini? Mais quand Dieu trouve que ton cœur est bon, lakini Mungu anapona kwamba roho yako ni nzuri. Quand Dieu trouve que ton cœur est bien disposé, wakati Mungu anaona kwamba roho yako ni tayari. Quand Dieu trouve des bonnes choses dans ton cœur, Mungu anapogundua mambo mazuri moyoni mwako. Même si tu es caché en Australie, hata kama unafichwa Australia, ou à Ijwi, ama unafichwa Ijwi, à Kitobindo, uko Kitobindo, à Kikwit, uwe Kikwit, ou à Bololo. Bololo. Bolobo. Hein? Bolobo. Bolobo. Tu es caché à Bolobo. Unafichwa uko Bolobo. Tu attrapes les nzombo le soir. Na unapata kutembelewa magharibi. Dieu va te rattraper là-bas. Mungu atakufukuta huko. Et il va déposer un nom en toi. Na ataweka jina ndani yako. Un jour, na siku moja, tu seras en train de peut-être siéger aux Nations Unies. Utakuwa ukiketi kwenye Umoja wa Mataifa. Peut-être tu seras secrétaire général. Sasa moja utakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Quelqu'un te posera la question. Na mtu atakuuliza swali. Tu viens d'où en anglais? Unatokea wapi ndani ya Kiingereza? Vous comprenez, non? Et tu diras, je viens de Bolobo, natokea Bolobo, dans une forêt, ndani ya pori, au centre de l'Afrique. Ambayo inakuwa katikati ya Afrika. Quand vous arrivez à Kinshasa, unapofika Kinshasa, vous prenez une pirogue, unakamata mtumbu, et vous montez, na unaanza kupanda, vers l'équateur. Unapanda Equatoria. Quand vous arrivez quelque part, unapofika nafasi moja, vous trouvez une rivière qui entre dans le fleuve Congo. Unaona kamtoni ambao tunaingia ndani ya mto wa Kongo na ingia ndani ya kale kamtoni na unaendelea à 200 km kwa kilomita 200 et vous montez na unapanda tena. Il y a pas de transport là-bas, hakuna usafirishaji hapo. Et vous arrivez dans un marécage na unafika mahali ambapo kuna maji. Vous voyez, mnaona? Si vous avez un cœur focalisé, kama una roho ambayo inaelekea kwenye lengo, un cœur attentif, roho ambayo ni d'où que vous veniez, hata unatokea wapi kama roho yako ni mwangalifu, Mungu atakuona. Et il y en a que Dieu est en train de repérer dans cette salle. Na kuna wale ambao Mungu yuko naona ndani ya chumba hiki. Je prie que Dieu te repère. Naomba Mungu akuone. Et que Dieu dépose le bagage. Na Mungu aweke ndani yako furushi. Et qu'il libère tous les colis. Na atilie ile furushi yote. De ton appel. Ya wito wako. Tous les colis. Furushi yote. De ton nom. Ya jina lako. Et que il t'amène. Na akupeleke. On a souvent chanté imame. Tunaimba kila mara nyimbo hiyo. Dans les profondeurs, il m'amène. Ananipeleka ndani ya vilindi. Il m'amène. Qu'il t'amène. Akupeleke na wewe. Qu'il t'amène. Akupeleke. Qu'il t'amène. Akupeleke. Hallelujah. Amen. Dieu te cherche. Mungu anakutafuta. Mais ton système de fonctionnement, lakini namna yako ya kufikiri, doit être corrigé. Inapaswa kurekebishwa. Je vous ai dit que Dieu ne fait exception de personne. Niliwaambia kwamba Mungu hana upendeleo. Du fait que le nom Sababu jina. Dieu ne le confectionne pas. Mungu aitengeneze. Parce que tu viens de prier pendant deux semaines en jeûne. Sababu umeomba juma mbili ukiwa ndani ya mafungo. Il le confectionne quand il te crée. Anaitengeneza wakati anakuumba wewe. Je vous ai dit même quand tu as tes deux pieds sur un casier de whisky. Nilikuambia hata kama ume et que tu distribues à tout le monde. Unawekea miguu yako kwenye pomba na unawagaulia kila mtu. Ce nom là existe sur toi. Jina hilo liko juu yako. Leta tano ingine. Amena encore cinq casiers. Mais c'est qui parle? Nani anayezungumza? C'est le révérend X. Ni révérend ambaye anaitwa fulani. Mais il n'a pas encore rencontré son nom. Lakini hajalikuta jina lake. Il navigue encore dans la boue. Angali natembea ndani ya mafuta. Et Dieu est patient. Na Mungu ni mvumilivu. Merci Seigneur pour ta patience. Asante Bwana kwa ajili ya uvumilivu. Dieu t'a patienté frère. Mungu amekuvumilia ndugu yangu. Mais la patience a des limites. Lakini uvumilivu unakuwa na mipaka. Tu ne peux pas obliger Dieu. Hautamshurutisha Mungu. À continuer à te patienter. Il est temps. Ni wakati de s'arrêter. Usimame. Et de se lever. Na usimame. Parce que Dieu a des choses à faire avec toi. Sababu Mungu ana mambo ya kufanya pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Amina. Et Élisée. Na Elisa. Dit, laisse-moi aller saluer, dire au revoir à mon père et ma mère. Anasema acha niende kuwapatia kwa heri baba na mama. Et l'homme de Dieu dit, tu vas saluer ta mère là, on va faire pour toi un foufou là-bas, tu vas oublier. Il dit, pense à ce que je viens de faire. Autrement, sois focalisé. Rassemble toutes tes pensées, rassemble tout ton être autour de ce que je viens de faire sur toi. Entre les biachars de Élisée. Kati ya biashara ya Elisha. Et le manteau qu'on vient de jeter sur lui. Na ile koti ambayo wamemtupia. Si c'était toi tu choisis quoi? Ingekuwa wewe unachagua nini? Beaucoup d'entre nous. Wengi kati yetu. On est distrait. Wana suba. Par les biens que nous avons déjà. Kupitia na vitu ambavyo tumesha kuwa navyo. De telle manière que nous ne mesurons plus, nous ne sommes plus capables de mesurer la valeur des richesses spirituelles. Ya baraka za kiroho. N'est-ce pas? Sio hivyo. Si Dieu aujourd'hui te dit d'aller à Walikale, tu vas y aller? Mungu akikwambia leo uende Walikale, je utakubali? Les premières questions dans la tête et je vais laisser mes affaires à qui? Swali la kwanza nitaachia kazi zangu nani? Vous savez le spirituel? Mnajua kiroho? Conduit le physique. Inaongoza kimwili. Est plus riche. Celui qui a la richesse spirituelle que celui qui a la richesse physique. Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu as ça où? Qu'est-ce que tu as? J'ai la santé. Tu l'as où? Umeitoa wapi? Spirituel. Ndani ya kiroho. Tu as la santé où? Una afya wapi? Dans mon nom. Ndani ya jina langu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton nom? Ndani ya jina lako kuna nini? Et le jeune homme choisit le manteau. Na ukijana akachagua koti. Et il partit faire une offrande. Na kaenda kufanya sadaka. Et il prit Sechar. Na kakamata ile magari yake ya shamba. Na kuni ambazo zilikuwa ndani ya shamba. Pour faire son holocaust. Ili aifanye kuwa sadaka yake ya kuteketeza. Kwa maneno mengine. Biashara mnabakia hapa. Les affaires vous restez ici. Seras-tu capable de faire ça? Je utakuwa na uwezo wa kufanya hiyo. Et puis il est parti suivre Eli. Na kisha kaenda kumfuata Elia. La Bible dit. Na Biblia nasema. Il y a ici un homme. Kuna hapa mtu qui versait de l'huile ambaye alikuwa na mwanga de l'eau ambaye alikuwa na mwanga maji sur la main d'Eli kwenye mkono wa Elia. Si vous l'appelez il va vous aider. Ukimwita atawasaidia. Premier boulot d'Élisée. Kazi ya kwanza ya Elisha. Le boss. Bossi. Fermier ambaye alikuwa anakuwa na mashamba zake. Di petit coup hapa mimi natana mikono. Et puis elle va il va chercher. Petit viens ici je vais me laver les mains. Et puis verse l'eau sur sa main. Na kisha namumwangia maji kwenye mikono yake. Okay, nawe nawa tukua tukule. Toi aussi lave toi les mains puis viens au manche. C'est ça le travail. Hii ndio kazi. Tu m'as tiré de mes affaires. Uliniondoa ndani ya kazi zangu. Kuna uishake mikono. pour que moi je te lave les mains. Il va un peu à la rivière, cherche-moi de l'eau, je vais me laver. Wende kwenye mto na unitafutie maji nitanawa. Et puis un jour, Élie veut partir au ciel, chapitre 2. Siku moja, Élie anatafuta kupanda mbinguni. Deux rois, chapitre 2. Wafalme wa pili sura 2. De 1 à 17. Ukianzia moja hadi 17. Il veut partir au ciel. Anatafuta kupanda mbinguni. Comme Élisée. Sababu Elisha. C'est un jeune homme attentif. Ni kijana ambaye ni mwangalifu. Élie lui dit. Élie anamwambia. Reste ici. Ubaki hapa. Je vais aller adorer quelque part. Nitaenda kuabudu nafasi moja. Petit Alisha Musoma Musée, oui, Musée. Le petit a déjà lu le vieux. Je sais que celui-ci veut partir. Anaenda. Il veut partir. Oui, on a enda adoré Asiata. Tu parles adoré. Si quoi, je ne vais pas te lâcher. Élisée dit à Élie, je ne te laisserai point partir. Elisa kamwambia Elia sitakuacha uende. Ton âme est vivant, mon âme est vivant. Nafsi yako ni hai na là où tu vas, moi aussi je vais. Je crois que Élie était déjà conscient que ce petit ici azalaka ekenge. Na naamini Elia alikuwa anajua huyu kijana ni makini sana. Ya kiroho. Makini ya kiroho. Alishanisoma huyu petit huyu. Il m'a déjà lu. Okay, viens au pas. Njoo twende. Ils arrivaient quelque part, dit bon, reste ici. Laisse-moi. Il dit, ton âme là est vivante. Mon âme vivante. Je ne reste pas. Si tabaki. Et ils partent encore. Par trois ou quatre fois. Finalement, Élie comprend. Ok, j'ai compris ton message. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Le fait qu'Élisée était un jeune homme attentif, il a eu à méditer sur le jet de manteau. Il a observé ses vieux en train de servir l'Éternel. Il a vu ses vieux en train de brûler les gens. Un roi envoie ses troupes pour venir l'attraper. Le roi demande que tu viennes. Homme de Dieu. Et la réponse d'Élie, si je suis homme de Dieu, que le feu de Dieu descende et te consume. Et puis, Je crois Et il y avait là l'odeur des gens brûlés. Le roi envoie une deuxième équipe. Le roi demande que tu viennes homme de Dieu. Même réponse, si je suis homme de Dieu, que le feu descend et vous consume. Fini. Troisième équipe. Finalement, un gars se dit, le roi, tu m'envoies, les gens sont en train de brûler la forme. Les autres, quand ils sont arrivés, on les a soufflés. Que l'odeur que vous sentez dans les villages là. Ce sont tes hommes. Ni watu ambao wameungua huko. Ils ont brûlé. Wameungua. Il faut envoyer. C'est pas des corbillards pour prendre la cendre. Inaomba mwende mukatume magari ili waende wakachukue ile majifu ya watu. Et lui quand il est venu, il dit pardon homme de Dieu. Na alipokuja akasema samahani mtumishi wa Mungu. Niishi mbele zako. Le roi demande que tu viennes. Na mfalme anahitaji uje. Mais que ma vie soit précieuse devant. Lakini maisha yangu yawe ya samahani. Ne me brûle pas, pardon. Kwa maneno mengine usiniunguze samahani. Alléluia. Amina. Que Dieu revête quelqu'un de cette autorité, de cette puissance. Mungu akupatie mtu ile mamlaka na uwezo. Afin que lorsque les démons viennent s'amuser avec toi et que tu appelles le feu, que le feu descende effectivement au nom de Jésus. Hey. Élisée. Elisha, Elisha. Formule sa demande. Anaomba. Qu'il y ait sur moi une double portion de l'esprit qui est sur toi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Les hommes et les femmes qui sont attentifs. Wanaume na wake même quand Dieu leur a donné un certain nom. Hata kama Mungu amewapatia et qu'ils ont découvert le contenu de son nom. Na wamegundua inayokuwa ndani ya jina hilo. Ils sont capables de dire à Dieu. Wanaweza kumwambia Mungu. Doubler ça. Wende aenda kazidisha hiyo mara pili. Seigneur, double ce que tu as mis dans mon nom. Bwana sidisha mara pili ulioweka ndani ya jina langu. Non pas pour l'honneur. Hapana kwa ajili tu ya heshima. Parce que cet homme, cette femme, lakini sababu huyu mwanaume na mwanamke, envie d'être beaucoup plus utile. Anahitaji awe na mafaa zaidi. Il a envie de pouvoir produire davantage. Anahitaji aende akalete matoleo mazuri. Il a envie que des multitudes guérissent. Anahitaji watu wengi wende wakapone. Tu vas prier pour une personne. Na utaombea mtu. Il va guérir. Atapona. Tu vas dire, Seigneur, double l'onction pour guérir les malades. Au lieu que je guérisse malades par semaine, je vais en guérir 10. Et si Dieu trouve ton cœur correct, il te donne. Élisée reçut ce qu'il avait demandé. Élisa kapokea ila aliyoiomba. Élie a accompli 8 miracles. Elia alifanya miujiza 8. Élisée en a accompli 16. Na Elisha akafanya 16. Et le 16e. Na ile ya 16. C'était la résurrection d'un cadavre. Ilikuwa ni kumfufua mufu. Par un cadavre. Kupitia mufu mwingine. Na maiti zinatumikana hako. Plaise à Dieu que ton cadavre aussi fasse un miracle un jour. Mpendeze Mungu maiti yako nayo ifanye kazi siku moja. Kupeleka ku cimetière. Wamekubeba kwenye makaburi. Et les gens qui soulèvent le cercueil pour le déposer dedans. Na watu wanaobeba jeneza ili waiweke ndani. Quelqu'un avait une infirmité. Mtu alikuwa na ulemavu. Et il a essayé de participer. Na alikuwa na shirikia pia naye. Quand il finit de participer. Anapomaliza kushirikia mazishi. Mugulu inamenyoroka. Eh, son Pierre vient à sa miracle place. Yako ya après la mort. Muujiza yako kisha kufa kwa. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu peut faire tellement de choses. Unajua Mungu anaweza kufanya mambo mengi. Avec un être humain. Pamoja na mwanadamu. Lorsqu'il le trouve conscient. Wakati anamkuta na dhamiri nzuri ya jina lake. Focalisé. Na anaelekea. Sur le contenu de son nom. Kwenye ile inayokuwa ndani ya jina lake. Avec fidélité. Pamoja na uaminifu. Avec intégrité de cœur. Pamoja na ukamilifu wa moyo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. J'aimerais demander à quelqu'un de commencer à s'exercer. Ninge paswa kumomba mtu anze kujizoeza. À être focalisé. Akuwe na mwelekeo. Je crois que tu as compris. Na mimi umeelewa. Que c'est quelque chose d'indispensable. Na ni kitu ambacho ni ya muhimu sana. Regardez. Uangalie. Même au milieu de ceux qui connaissent pas Dieu. Hata miongoni mwa wasiomjua Mungu. Les gens qui ont réalisé de grandes choses. Watu ambao wameona wamefanya mambo makubwa. Sans Dieu. Bila Mungu. Ce sont ceux. Ni wale ambao. Qui étaient attentif walikuwa uangalifu et focalisé na ambao walikuwa na mwelekeo. Je vous ai dit hier, niliwaambia jana, les gens qui ont réalisé de grandes choses dans le monde, watu waliofanya mambo makubwa ndani ya ulimwengu, cela n'est pas venu de leur diplôme. Hii haikutokea kwenye vyeti vyao. C'était parfois des personnes ordinaires. Ilikuwa mara ni watu kawaida. La plupart des milliardaires. Wengi wa wabilionari. N'ont pas de grands diplômes. Hawana vyeti vikubwa. Mais ils ont appris à faire cet exercice. Lakini wamejifunza kufanya mazoezi haya. À comprendre ce qu'ils doivent faire. Waelewe ile ambayo wanapaswa kufanya. À se focaliser sur cela. Na wajielekeze kwayo. Évangéliste, pasteur, homme de Dieu qui est ici. Mwinjilisti, mchungaji, mtumishi wa Mungu aliye hapa. Soyez focalisé. Uwe na mwelekeo. Sur votre appel. Kwenye wito wako. Et vous ferez de grandes choses. Na utafanya mambo makubwa. Responsable de cellule. Mwongozi wa shirika. Soyez focalisé. Uwe na mwelekeo. Sur votre travail. Kwa kazi yako. Dans le groupement. Ndani ya mashirika. Soyez focalisé. Mkuwe na mwelekeo. Homme d'affaires. Ewe mfanyabiashara. Sois focalisé. Uwe na mwelekeo. Médecin. Mganga. Directeur d'entreprise. Mwongozi wa kampuni. Sois focalisé. Uwe na mwelekeo. Et tu verras. Na utaona. Et si Dieu. Na kama Mungu. T'a donné une mission. Amekupatia kazi. Que l'homme qui n'a pas Dieu ambayo mtu ambaye hana Mungu réussit anafaulu simplement parce qu'il s'est focalisé sababu amejielekeza vizuri à plus forte raison toi sasa wewe tu as Dieu en même temps wewe na Mungu. Alléluia. Amina. Vous savez, à te regardant dans la manière dont tu vis naturellement, on peut savoir jusqu'où tu peux aller dans la vie. Unajua ukikuona kawaida njisu unavyoisha watu wanaweza kuona unaendea wapi ndani ya maisha. Kuna watu ambao wanaishi kiulela. Les degrés où tu vas aller avec Dieu. Ngazi ambao utaenda pamoja na Mungu. La dimension où tu vas arriver avec Dieu. Kiwango ambacho utafikia pamoja na Mungu. Inahusika. Du degré où tu te focalises à ce que Dieu t'a dit. Ngazi ambao unachelekeza kwa ile ambayo Mungu alikuambia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je namzungumzia mtu. Paul dit. Paul anasema. Dans Philippiens 3 12 à 14. Ndani ya Wafilipi 3:12 hadi 14. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Sikusema nimeufikia ukamilifu, lakini ninakimbia ili niweze kufika huko sababu mimi mwenyewe nilishikwa na Yesu Kristo. J'ai fait une chose. Lakini nafanya jambo moja. Oubliant ce qui est en arrière. Ninasahau ile ambayo imepita. Et me portant. Na nikiangalia lengo. Vers ce qui est en avant. Ile ambayo iko mbele yangu. Me portant. Nikiangalia kama lengo. Vers ce qui est en avant. Ile ambayo iko mbele yangu. Et il ajoute. Na naongeza. Je cours vers le but. Nakimbia kwenye lengo. Pour saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Avez-vous déjà couru? Est-ce qu'on court comme ça? Celui qui court doit s'assurer du fait. Vous savez pourquoi on a mis dans les phares des véhicules? Mnajua sababu gani wameweka ndani ya mataa 50 et les 100. Wameweka ndani ya mataa ya gari wanatia 50 na 100. C'est pas pour terroriser les chauffeurs qui viennent devant nous. Sio kuwatesa wale waongozi wa dereva ambao wako mbele zetu. Quand vous avez mis 50, unapoweka 50, tes phares éclairent jusqu'à 50 mètres. Taa zako zinaangaza hadi mita 50. Clairement. Zinaangaza vizuri. Mais si tu roules, lakini kama unatembeza, à 100 à l'air, unatembelea kwa kilomita 100, et que tu as mis 50 dans tes phares, na umeweka 50 ndani ya mataa zako, tout de suite commettre un accident. Hapa hapa mbeleni utafanya ajali. Parce que la vitesse que tu as, sababu mbio unayo, t'oblige, inakuruhusisha, de prendre des décisions en fraction de seconde. Ukamate maamuzi kufuatana na sekunde. Des décisions sur où est-ce que tu roules, qu'est-ce que tu échappes. Ukamate maamuzi unakwepa nini, quand est-ce que tu freines, unagunja namna gani unasimamisha. Et si tu es à 100 à l'air, na kama unatembelea kwa 100, c'est que tu roules sans lumière. Ni kusema unatembea bila mwangaza. Mais 100 à l'air veut. Lakini quand tu mets 100 à l'air, unapoweka 100, ça te permet inakuruhusisha de voir à 100 mètres, uone kwa mita 100 avant d'y arriver, mbele ufike huko, et de prendre des décisions, na ukamate maamuzi avant d'y arriver, mbele ufike huko. C'est pourquoi celui qui court, ndio maana anayekimbia, doit rassembler son attention, anapaswa kukutanisha angalisho lake. Je cours vers le but, ninakimbilia kwenye lengo. Je me focalise sur le but, ninachelekeza kwa lengo. Pour saisir le prix de la vocation céleste. Ili niweze kupata bei ama taji ya wito wa Mungu. De Dieu en Jésus-Christ. Ya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Il termine à 17 en disant. Anamaliza kwa sheli la 17 akisema. Soyez mes imitateurs. Muwe wa kuniiga. Portez les regards. Muangalie. Sur ceux qui font comme nous. Wale wanaofanya kama sisi. C'est-à-dire ceux qui sont focalisés. Ni kusema wale ambao wanaelekezwa. Ceux qui courent vers le but. Wale ambao wanakimbilia lengo. Mais tu cours vers quel but? Lakini unakimbilia lengo gani? Et quel est ce but? Na lengo hilo ni nini? C'est le contenu de mon nom. Ni inayokuwa ndani ya jina langu. As-tu déjà un nom? Je mesa kuwa na jina. Cours vers le but. Kimbilia kwenye lengo. Et saisis le prix de ce but. Na ushike taji ya hilo lengo. Et la couronne viendra sur toi. Na taji itakuja juu yako. Alléluia. Amina. Et il dit dans Acte. Na nasema ndani ya Matendo ya Mitume. Plutôt dans 1 Corinthiens 10. Ndani ya Wakorintho wa kwanza 10. 23 il dit tout est permis. 23 anasema mais yote tout n'est pas utile, tout est permis mais yote, tout n'édifie pas. Yote inaruhusiwa lakini yote sio ya maana. Ndani ya maisha. Il y a beaucoup de choses qui nous aspirent, qui nous attire. Kuna mambo mengi ambayo yanatuvuta. Et qui nous éloigne de la focalisation. Na ambayo yanatubeba mbali na mwelekezo wetu. Écoutez frère et sœur. Sikiliza dada na kaka. Il faut être capable inomba uwe na uwezo de se dégager de tous ces brouillards de choses ya kuachana na haya mambo mengi et de se focaliser sur l'essentiel. Na ujielekeze kwa inayokuwa ya maana. Dit à ton voisin, qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Ambia jirani yako ni nini ya maana maishani mwako? Il a une minute pour répondre. Ana dakika moja kwa kujibu. Ok, pose-lui la deuxième question. Muulize swali la pili. Y a-t-il quelque chose d'essentiel dans ta vie? Je kuna kitu cha mafaa ndani ya maisha yako? Et le panier des offrandes vont passer entre-temps tout na vitunga vya sadaka vitakuwa vikipita sasa. Le service de protocole, vous pouvez y aller. Protokoli wanaweza kutusaidia. Entre-temps, tu prends ton offrande et puis on va donner. Unachukua sadaka yako na tutatoa. Hallelujah. Amina. Alléluia, eh. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ta vie? Je kuna kitu cha maana maishani mwako? Ok, on va s'arrêter ici. Tutamalizia hapa. Paul dit dans Acte 20, 24. Paulo anasema ndani ya matendo ya mitume 20 20 comme si elle m'était précieuse. Siangalia maisha yangu kama ni ya samani kwangu. Pourvu que j'accomplisse ma course. Lakini ili nitimize tu safari yangu. Et le ministère. Na huduma. Que j'ai reçu du Seigneur. Niliyopokea toka kwa Bwana. Savoir. Ambayo ni kutangaza. La bonne nouvelle. Habari njema. De Jésus-Christ. Ya Yesu Kristo. Et l'archevêque dira. Na mwanamembo wa kanisa hili atasema. Savoir. Kujua. Porter kupeleka le salut okovu à quiconque kwa yeyote en a besoin anayehitaji dans ma génération ndani ya kizazi changu. Porter le salut kupeleka okovu à quiconque kwa yeyote en a besoin anayehitaji dans ma génération ndani ya kizazi changu. Porter le salut kupeleka okovu à quiconque kwa yeyote en a besoin anayehitaji dans ma génération ndani ya kizazi changu. Nous allons nous lever. Tutasimama. Nous allons prier pendant quelques temps. Na tutaomba kwa dakika fulani. Eli dit à Élisée. Elia kamwambia Elisha. Pense à ce que je t'ai fait. Fikiria niliyokufanyia. Alors tu vas prendre 3 minutes. Utakamata dakika 3. Et tu vas penser à ce que Dieu t'a dit. Na utafikiria ile ambayo Mungu alikuambia. À ton sujet. Ya kufuatana na wewe. Pense à ce que je t'ai fait. Fikiria ile ambayo nilikufanyizia. Si pour Élisée. Kama kwa ajili ya Elisha. Il a bien fini sa carrière. Alimaliza vizuri kazi yake. Parce qu'il a obéi à un geste. Sababu alitii kwa tendo fulani. À plus forte raison. Sasa wewe. Dieu t'a parlé clairement. Mungu amekuzungumzia kwa uwazi. Mais il y a quelques-uns parmi nous. Lakini kuna wamoja miongoni mwetu. Qui continuent encore à attendre. Ambao wanaendelea kungojelea. Que Dieu leur parle. Na Mungu anawazungumzia. Vous êtes les bienvenus. Muko karibu. Mais vous devriez renforcer votre prière. Lakini mungepaswa kukazia maombi yenu. Pour que Dieu vous parle à temps. Ili Mungu awazungumzie kwa wakati. Parce que plus nous avançons, sababu zidi tunaendelea, nous serons en train aussi d'avancer dans la matière. Tutakuwa tunaendelea pia ndani ya mafunzo. Par rapport à celui qui a déjà son nom. Kufuatana na ule ambaye ameshakuwa na jina lake. Nous serons en train d'avancer. Tutakuwa tunaendelea. Et si jusque là tu n'auras pas encore reçu ton nom, na kama mpaka hapo utakuwa hujapokea jina lako, tu seras en train de perdre des occasions. Utakuwa ukipoteza wakati. Et tu risques ne pas comprendre même certains sujets qui seront partagés. Na unaweza kuwa hautaelewa masomo fulani ambayo itapita hapa. Tout ce qu'il fait lui yote réussit. Yote anayoifanya inafanikiwa. Autrement, kwa maneno mengine, la réussite mafanikio est réservée à tout le monde. Imewekewa kwa wote dans son domaine. Ndani ya uwanja wako. La réussite est réservée à tout le monde. Mafanikio yamewekewa kwa kila mtu. Dans son rayon, dans son rôle. Ndani ya uwanja wake ambao anatumikia ndani. Ndani ya jina lake. Elle est à la portée de tous. Ni kwa kila mtu. Baissons nos têtes dans la prière. Tuinamishe vichwa vyetu ndani ya maombi. Quelqu'un commence à parler à Dieu. Na mtu anaanza kumzungumzia Mungu. Tu as quelque chose à discuter avec Dieu. Una kitu cha kuanza kuongea pamoja na Mungu. Papa Omer a été guéri cet après-midi. Papa Omer ameponyeshwa hapa mchana wa leo. Afin qu'il écoute ce message. Ili asikie ujumbe huu. Et Dieu t'a permis d'écouter ce message. Na Mungu amekuruhusisha usikilize ujumbe huu. Parce qu'il a un but avec toi. Sababu ana lengo pamoja na wewe. Quelqu'un parle à Dieu. Mtu anaendelea kumzungumzia Mungu.